Téléthon 2019 a permis de récolter ce week-end près de 75 millions d'euros. 32 ans après sa création, la thérapie génique est devenue une réalité. Il y a aujourd'hui dans le monde une dizaine de médicaments en circulation, la plupart pour traiter des maladies rares, mais cette thérapie génique est porteuse de nombreuses promesses, notamment dans le traitement du cancer, voire pour lutter contre le VIH. Mais la route qui mène vers une généralisation de ces traitements est encore semée d'embûches, et notamment une embûche d'une taille, celle du prix des médicaments qui peuvent se chiffrer en centaines de milliers, voire en millions d'euros. Ma très chère thérapie génique, c'est le programme fondamental qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'état de la recherche et les aboutissements aussi en matière de thérapie génique, puisqu'il y en a quelques-uns, comme nous venons de le dire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Galli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche académique à Généthon, directrice également de l'accélérateur de recherche technologique en thérapie génomique. Ce sont deux postes INSERM. Et Alain Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin à l'hôpital Necker, professeur au Collège de France et chercheur à l'Institut Imagine. Mais on commence, eh bien, comme chaque jour, par un point sur l'actualité scientifique toute récente de ces derniers jours. C'est avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et c'est le Journal des Sciences. Et pour commencer ce journal, eh bien, on revient sur ce rapport présenté samedi à la COP25. Les océans perdent de leur oxygène. On parle beaucoup du plastique, de l'acidification des eaux, de la pêche intensive, mais on parle peu de la désoxygénation des océans. Cette étude, qui porte sur ce problème moins visible, est à l'initiative de l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Pendant 3 ans, 67 scientifiques de 17 pays ont réuni des décennies de mesures du monde entier. On constate que depuis 1960, le taux d'oxygène dans les océans a diminué d'environ 2%. 77 milliards de tonnes d'oxygène ont disparu. Et à ce rythme, si rien ne change, les océans risquent de perdre jusqu'à 4% de leur concentration en oxygène d'ici 2100. Alors pour les écosystèmes marins, c'est une menace grave. Eux aussi, ils dépendent de la teneur en oxygène de leur environnement. Véronique Garçon est directrice de recherche CNRS au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Elle est l'une des autrices de cette étude. Deux choses. Il y a le réchauffement climatique qui fait qu'en fait, quand l'océan se réchauffe, il retient moins d'oxygène, alors que la faune qui vit dans les eaux plus chaudes a un besoin d'oxygène plus important. Alors ça, c'est le réchauffement climatique et ça, c'est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour les zones côtières, il est clair que tout ce qui est fertilisation excessive des sols, qui sont générés par des engins, des pratiques agricoles, qui utilisent beaucoup d'engrais sur les bassins versants, des fleuves, tout ça, ça débouche sur les estuaires et le littoral. Dans certaines régions du globe, ça s'accompagne de rejets d'eau usée qui ne sont pas traités. Donc ça, c'est vraiment la source des zones anoxiques en zone côtière. Mais ces zones côtières ont aussi du réchauffement climatique. Donc en fait, eux, ils ont la double peine, je dirais. Quand on a des rejets de nutriments qui vont dans les eaux côtières, on a une prolifération des algues qui se décomposent. Cette décomposition consomme de l'oxygène et donc du coup, on arrive à des zones qui sont proches de l'anoxie. D'ailleurs, on est au picot, au nanomolaire d'oxygène dans l'eau. Donc tout ça, ça, en fait, c'est complètement lié. Hein. Comment on peut faire justement pour limiter la désoxygénation des océans ? Alors, il y a deux choses, clairement, c'est réduire de façon drastique les charges en nutriments qui arrivent aux océans, de par les pratiques agricoles, et puis réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut respecter l'accord de Paris, il faut suivre le scénario dans notre jargon qu'on appelle RCP 2.6, des températures à moins de 1,5 degrés pour l'an 2100. Et là, la France a encore beaucoup à faire, puisque les 25 dernières années, elle n'a pas vraiment suivi les engagements. Donc voilà. C'est les deux seules solutions. Voilà, vous pouvez retrouver évidemment le lien vers l'étude qui a été évoquée, ainsi que toutes les études qui vont être évoquées dans le Journal des Sciences et dans le reste de l'émission, soit sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc, soit évidemment sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une prépublication sur BioArchive, les plantes pourraient émettre des ultrasons. Oui, et lorsqu'elles sont dans des états de stress, lorsqu'elles sont coupées ou lorsqu'elles manquent d'eau. Les chercheurs de l'université de Tel Aviv, en Israël, ont placé des micros à 10 cm de plants de tabac et de plants de tomates. Ils ont enregistré des ultrasons de 20 à 100 kHz. Alors, ces fréquences ne sont pas audibles pour les humains, mais elles le sont pour les insectes et pour certains mammifères. Selon ce papier, les plantes pourraient créer ces ultrasons par un processus de cavitation. Ce sont des bulles d'air qui provoqueraient des vibrations dans les tiges des plantes. Aux États-Unis, une pilule contraceptive mensuelle est en phase de test. Et cette pilule, en une seule prise par mois, vient de passer des tests positifs chez les cochons. Elle serait efficace à 99%, comme pour une pilule traditionnelle. Les chercheurs du MIT viennent de publier leurs résultats dans Science Translational Medicine. Il s'agit d'une capsule de gélatine qui reste dans l'estomac pendant 3 semaines et qui se dissout pour libérer lentement les hormones. À 21 jours, les femelles qui avaient absorbé la pilule mensuelle avaient des niveaux d'hormones comparables à celles qui recevaient une dose quotidienne. Des essais cliniques sont à venir. Et les premières observations de la sonde Parker Solar Probe viennent d'être publiées dans 5 études dans la revue Nature. Et la sonde de la NASA lancée l'année dernière a pour mission de mieux comprendre les champs magnétiques du Soleil et le fonctionnement de ces vents solaires, ces projections de particules ionisantes. Et déjà des surprises. Contrairement à ce que pensaient les astrophysiciens, la couronne solaire, c'est-à-dire la couche externe, est plus chaude que les autres couches. Et d'autre part, ces vents solaires se formeraient dans cette zone extérieure. La sonde sera au plus proche de l'astre en 2024. Voilà, on reviendra évidemment plus longtemps sur Parker Solar Probe et sur les résultats publiés d'ici 10 jours d'ailleurs dans la méthode scientifique, dans une émission qui sera consacrée entièrement à notre Soleil. Et merci beaucoup Natacha, nous on vous retrouve brillante comme le soleil dès demain pour le prochain journal des sciences. Allez, 32 ans que chaque année début décembre les chaînes du service public bouleversent leur grille de programme pour organiser des actions partout en France et faire appel aux dons des citoyennes et des citoyens pour la recherche en thérapie génique. En 32 ans, sur la dizaine de médicaments générés par la recherche en thérapie génique, 7 sont directement ou indirectement liés au Généthon, le laboratoire du Téléthon. Si le temps de la recherche est notamment dans ce domaine est un temps long. Les tout premiers résultats en matière de thérapie génique, c'était il y a 30 ans, cette année, en 1989, sur 2 enfants atteints d'un déficit immunitaire sévère lié au gène X. Écoutez cette archive, nous sommes sur France Inter, c'est le journal de 19h du 14 mars 1989. L'intervention a donc eu lieu le 30 juin dernier et David est né en août. Il pourrait en effet sortir pour son premier anniversaire à peu près. Car les cellules greffées se développent bien et vont permettre petit à petit de lui constituer cette immunité qui lui manquait, c'est-à-dire de se défendre contre les infections qui, sans cette intervention, l'auraient tué. L'autre possibilité qui avait été proposée aux parents de David était la greffe après la naissance. Mais cette greffe ne réussit que dans 10% des cas. Les médecins lyonnais ont donc profité de cette période fœtale où les risques de rejet sont bien moindres. Cette technique tout à fait extraordinaire, qui demande bien sûr une réelle maîtrise, servira dans l'avenir à traiter avant la naissance d'autres maladies de l'immunité et certaines maladies sanguines. Alors, c'était pas du tout en mars, c'était bien en 1989, mais plus vraisemblablement vers le mois de septembre. Une réaction à l'afficheur à ce que vous venez d'entendre. Oui, juste pour préciser qu'il ne s'agissait pas à l'époque d'une thérapie génique, mais d'une thérapie fondée sur l'injection au fœtus via son cordon ombilical de cellules souches hématopoïétiques avec des résultats, on va dire, partiels. Mmh. Voilà. Anne Galli, sur ses premiers, en tout cas ses premières tentatives de résultats ou de manipulation un peu génétique pour résoudre ces maladies rares. Oui, je trouve ça remarquable, effectivement, et on voit bien le temps long qui a été nécessaire pour passer de ces premières tentatives qui se sont soldées par des semi-échecs, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, à chaque fois, on apprend, on essaye quelque chose, on passe à une étape suivante, et donc c'est ce qui a certainement toutes les tentatives de greffe de moelle et d'utilisation des différents types de cellules souches ont posé les fondements des bases, en fait, de la thérapie génique hématopoïétique qu'on connaît actuellement et qui marche très très bien, justement pour traiter les déficits immunitaires. Parce que Alain Fischer, vous avez participé, vous, à un essai clinique français sur 5 enfants qui étaient atteints de ces troubles dits DCIS, c'est-à-dire déficit immunitaire combiné sévère. Exact. On a travaillé beaucoup, très longtemps, je reprends la notion de temps, qui est une notion fondamentale en recherche et qui s'applique très très bien à la thérapie génique. Donc pour cette maladie d'enfants qui naissent avec des moyens de défense contre les infections très modestes. On appelle les enfants bulles. Oui, parce qu'à l'époque on les mettait en bulles, on les met plus dans des bulles, c'est-à-dire en enceinte stérile pour les protéger des infections. Donc on a débuté un essai en 1999, qui celui-là, mais enfin on n'était pas impliqué dans celui de 89, mais celui de 99 a été un succès dans la mesure où des enfants qui ont été traités il y a maintenant donc 20 ans, plus de 20 ans, vivent aujourd'hui, sont de jeunes adultes et vont bien. Donc c'est une des premières démonstrations qu'une thérapie génique, dans des circonstances assez favorables, qui serait un petit peu long de détailler ici, mais peut être efficace et permettre de corriger de façon durable, pour cette maladie-là, c'est démontré, une maladie génétique sévère. Alors, en 32 ans de Téléthon en France, hein, il faut rappeler que c'est une initiative qui est née aux États-Unis, mais en 32 ans, on en est aujourd'hui à moins d'une dizaine de médicaments, autour d'une dizaine de médicaments. Alors, on parle du temps long, effectivement, mais c'est vrai que des millions collectés, une dizaine de médicaments, et on reviendra sur la question du prix de certains d'entre eux, on peut avoir l'impression que c'est relativement peu tout de même, Anne-Gali. Alors, il faut savoir que les choses s'accélèrent très rapidement. Le premier médicament autorisé date de 2012. Bon, il était depuis retiré, hein. Mais effectivement, on a vu apparaître très rapidement après, en succession, tout un ensemble de médicaments. Et il y a plus de 1000 essais cliniques qui sont actuellement en cours, avec, en tout cas, dans le domaine de l'hématologie en particulier, certainement, enfin, des médicaments qu'on va voir arriver sur le marché très très prochainement. Donc voilà, c'est un processus qui est juste déclenché. Et par exemple, l'agence américaine des médicaments a publié la courbe en fait des demandes d'autorisation d'essais cliniques qui est absolument vertigineuse et oui. S'attendent à avoir plus de 400 demandes l'année prochaine. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train de démarrer en fait. On va essayer de trouver cette courbe et de vous la mettre sur notre fil Twitter pour que vous en ayez un aperçu. Un mot peut-être Alain Fischer sur effectivement alors l'accélération, on va en parler et puis effectivement on en a beaucoup parlé ici, eu une petite révolution technique dans l'édition génomique grâce au ciseau génétique CRISPR, on y reviendra, mais tout de même effectivement ce temps long, toutes ces recherches, elles n'auraient pas été possibles sans ces Téléthons, ce Téléthon, la recherche en France et pas uniquement. Oui, le Téléthon a été un élément stimulateur qui a apporté de l'argent, mais en même temps, il faut remettre aussi les choses en perspective. S'il n'y avait pas eu, pour ce qui est de la France ou d'autres pays, des recherches dites académiques, c'est-à-dire financées par la puissance publique, rien ne se serait passé. Mais le Téléthon a été un élément, comment dire, à la fois de motivation et d'aide sur des financements un petit peu difficiles à obtenir dans le financement public. Donc c'est une bonne alliance entre le système public et la générosité publique qui ont permis d'avancer. Financement difficile parce que maladie rare, donc peu d'investissement privé parce que ça intéresse moins les laboratoires pharmaceutiques, c'est essentiellement ça. Alors initialement, c'est plus le cas aujourd'hui, je pense qu'on va y revenir. Bien initialement, sûr. C'était effectivement une situation où il n'y avait pas du tout de financement de l'industrie privée, ce qui d'ailleurs peut se comprendre dans les phases tout à fait initiales, et que le développement de vecteurs que Anne-Gali connaît très bien, c'est-à-dire de virus pour transporter les gènes thérapeutiques. On va en parler dans un instant. Ouais, ça coûte beaucoup d'argent à monter, surtout dans les premières étapes, et puis après dans les productions d'ailleurs de plus importantes. Et ce sont des types de financement que le pouvoir public n'était pas habitué à faire. Anne-Gali. Il y a un autre élément qui est le fait que cette recherche de transfert, c'est pas très sexy sur le plan scientifique. Je pense que souvent, en fait, les recherches académiques tendent à financer des choses très, très excitantes, très originales. Or, quand on développe un médicament, il faut faire des choses extrêmement ennuyeuses pour vérifier l'absence de toxicité, la bonne dose, enfin, etc. Et ça, effectivement. Les essais précliniques et les essais cliniques, on sait que ça coûte beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle cette fameuse vallée de la mort, où effectivement, on fait des tas de choses qui sont pas très intéressantes, des études voilà, qui durent très longtemps. Et donc, effectivement, l'AFM et le Téléthon a permis de financer et soutient ce genre d'études précliniques qui sont indispensables à amener des candidats à l'essai clinique et voir plus loin. La présidente du Téléthon, Laurence Thiennot-Hermant, déclarait à l'issue de ce week-end de Téléthon, elle promettait que ces thérapies, qui visent pour le moment encore essentiellement des maladies rares, vont pouvoir bientôt, maintenant, s'appliquer à des maladies fréquentes. Alors c'est déjà le cas, hein, les premières thérapies géniques, d'ailleurs, parmi les premiers essais, on pouvait déjà citer des tentatives pour traiter le sida, pour traiter le cancer. Mais ce sont les maladies génétiques qui ont vraiment démontré, je pense, actuellement de façon la plus éclatante possible, la diversité des possibilités de thérapie génique. Toutefois, on a des plateformes technologiques qui sont similaires. Et je crois qu'il faut quand même bien admettre que si la thérapie génique connaît un tel engouement aujourd'hui, c'est en partie à cause de son succès dans les maladies rares, mais c'est également parce qu'elle a pu solliciter aussi en fait l'intérêt des grandes compagnies pharmaceutiques en raison des succès dans le cancer, avec la promesse d'un marché conséquent. Alain Fischer. Oui, clairement, les maladies génétiques dans différents domaines, je ne sais pas, peut-être on y reviendra, ont apporté des formes de preuve de principe que cette technologie pouvait être efficace et apporter donc un bénéfice significatif aux patients. Mais il y a déjà des démonstrations d'efficacité dans le domaine du cancer, ce qu'on appelle les CAR T-cells. Les cellules CAR-T. Cellules CAR-T en français, oui, c'est mieux comme ça. On va en parler, évidemment. Ce sont des globules blancs du malade modifiés pour qu'ils combattent mieux un certain type de cancer, essentiellement des certaines formes de leucémie. Donc ça, c'est un succès avéré. Depuis maintenant 6-7 ans, ces thérapeutiques se sont développées. Et donc maintenant, il y a des médicaments sur le marché dans ce domaine. Il y a beaucoup de recherches en cours pour d'autres applications de la thérapie génique dans le domaine du cancer. Dans d'autres domaines, on peut envisager aussi des applications, ça me paraît moins évident, je serais assez prudent, sûrement pas à se lancer dans des promesses, même s'il y a énormément de recherches. Mais enfin, les difficultés d'application à d'autres domaines que les cancers et les maladies génétiques sont non négligeables, on va dire, pour être en termes mesurés. Et on les examinera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous sommes en compagnie d'Anne Gallier et d'Alain Fischer tout au long de cette heure pour parler de thérapie génique au lendemain du week-end de Téléthon qui a permis de récolter près de 75 millions d'euros. On peut dire d'ailleurs que c'est pas fini tout à fait. Le compteur tourne encore, Anne Gallier. Exactement. Merci à tous les donateurs, mais vous pouvez encore appeler le 3637 jusqu'à la fin de la semaine pour donner pour les recherches. Alors justement, à quoi sert cet argent du Téléthon? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et pas comme l'a rappelé très justement Anne Fischer. Pas que l'argent du Téléthon, puisqu'il y a aussi une grande partie de ces recherches qui sont financées par sur fonds publics. Alors, peut-être Alain Fischer, on peut poser cette question toute simple, revenir au départ, au point de départ. C'est quoi une thérapie génique? Oui, c'est bien de jeter les bases. Exactement. La thérapie génique, c'est une thérapie par les gènes, donc une séquence d'ADN, une molécule chimique, un peu complexe, mais une molécule chimique. En l'occurrence, par exemple, dans l'application des maladies génétiques, l'application la plus courante consiste à transporter avec un virus qui sert de cheval de Troie, donc une séquence d'ADN qui est une séquence normale et qui vient pas se substituer, ça on ne sait pas faire encore tout à fait, mais s'ajouter et permettre que le produit de ce gène, la protéine, qui est déficiente dans telle ou telle maladie, facteur de coagulation dans l'hémophilie par exemple, puisse être produite alors qu'elle ne l'était pas au préalable du fait de la maladie génétique. Donc il faut... En gros, il faut une molécule d'ADN qui est assez petite, qui correspond à la séquence du gène. Il faut un système qui est aussi de l'ADN qui permet au gène de s'exprimer, c'est-à-dire d'être transcrit en ARN messager, mm-hmm. puis en protéine ensuite. Et il faut un système viral, pour l'essentiel, qui permet que cet ensemble pénètre dans les cellules que l'on cherche à traiter, qui peuvent être diverses, les cellules de la moelle osseuse pour les cellules du sang, les cellules du foie, de la rétine, etc. Avec un problème qui vient immédiatement et qui a longtemps été un obstacle, c'est que eh bien, si on veut traiter un gène déficient, il faut que ce gène soit traité dans toutes les cellules dans lesquelles il s'exprime. Et ça, c'est plus compliqué, Agnès. Et une des limitations actuellement de la thérapie génique, c'est de bien contrôler la délivrance de ce gène thérapeutique dans les cellules d'intérêt. Et ça pose d'ailleurs plusieurs problèmes. Hein. Le premier étant déjà de faire la bonne hypothèse thérapeutique, parce que souvent on pense qu'on va pouvoir avoir un effet sur une pathologie ou sur une maladie, donc en traitant un certain type de cellules, parce que parfois on peut pas atteindre toutes les cellules qu'on voudrait pouvoir traiter. C'est le cas, par exemple, de certaines maladies sur lesquelles on travaille actuellement, où on a un déficit sur le corps entier. La granulomatose érythémateuse chronique liée à l'X, où on c'est a... C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette maladie? C'est une maladie génétique extrêmement rare, en fait, de défaut justement du système oxydatif dans toutes les cellules, mais il se révèle être particulièrement problématique dans les phagocytes, en fait, dans le système immunitaire inné, qui fait qu'effectivement les cellules ne peuvent pas détruire les microbes qu'elles ont ingérés. Mais il y a d'autres cellules qui en ont besoin. Néanmoins, effectivement, les manifestations principales sont liées donc à celles du système immunitaire, et on espère pouvoir traiter les malades en corrigeant simplement les cellules du système immunitaire. Même chose pour l'anémie de Fanconi, qui est un déficit de la réparation de l'ADN qui touche tout le corps, et on espère pouvoir faire bénéficier les patients de thérapie génique en apportant simplement dans leurs cellules souches sanguines le gène qui manque. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Alain Fischer. Oui, ces exemples illustrent une difficulté et une situation très variable d'une maladie à l'autre. Il y a des maladies, les toutes premières dont on parlait, les déficits immunitaires comme les cellules, il n'y avait pas besoin de corriger toutes les cellules. Il suffisait d'en corriger un tout petit peu et ça suffisait. C'est pourquoi ça a marché en premier. C'était la situation la plus aisée. Et puis à l'inverse, il y a des situations où il faut corriger beaucoup, beaucoup de cellules. Je pense que si on pense aux maladies génétiques des muscles, il faut arriver à les myopathies. Les myopathies, voilà. Il faut arriver à cibler un très grand nombre de muscles. Donc il y a un degré de difficulté extrêmement variable entre des situations presque simples et des situations très compliquées. Comment est-ce qu'on fait, Alain Fischer, pour faire en sorte que, en introduisant un bout d'ADN corrigé entre guillemets dans une cellule, et bien d'un seul coup le matériel justement de transcription de la cellule se mette à transcrire ce bout d'ADN qu'on lui rajoute et pas l'ADN chromosomique qui est naturel entre guillemets. Et continue la cellule avec les systèmes qu'on utilise pour l'instant continue à aussi faire l'erreur si je puis dire, c'est-à-dire à faire que l'ARN messager muté est également présent. Mais ça c'est pour beaucoup de maladies c'est pas grave. Schématiquement, peut-être, on peut ajouter qu'il y a deux grands systèmes pour. Bien sûr, aujourd'hui, je vous en prie. Pour développer la thérapie génique, en utilisant deux types de virus, sans être trop compliqué, un certain type de virus qu'on appelle les rétrovirus, dont le virus du sida, qu'on utilise pour transporter les gènes thérapeutiques, permet de faire en sorte que le gène thérapeutique s'insère dans le génome, quelque part dans un chromosome, donc fait partie des chromosomes. Donc quand la cellule se divise, le gène thérapeutique se divise et recopie, et donc permet que les deux cellules filles, potentiellement, l'expriment la cellule. Donc, etc. Ça, et donc, etc. Et ça, c'est très important pour le sang, par exemple. Voilà. Voilà, dans un système qui se renouvelle énormément. C'est exactement ce qu'on fait pour les maladies du sang. Et que ce soit les maladies génétiques ou les cancers avec les fameux cellules CAR T. Et puis l'autre système et utilise un autre type de virus qu'on appelle adeno-associated virus, virus associé à l'adénovirus, qui fait que le matériel génétique persiste dans la cellule, dans le noyau, mais n'est pas intégré dans le génome. Il est dans son coin, entre guillemets. Le terme scientifique, c'est sous forme d'un épisome, mais il peut persister de façon très, très, très longue et faire en sorte que la protéine soit exprimée au long cours. Et ça s'applique plutôt aux ciblage de cellules qui ne se divisent pas, ou peu. Comme les muscles, par exemple. Ou dans une certaine mesure, les muscles. Dans une certaine mesure, le foie. Voilà. Donc, il y a ces deux grandes stratégies actuellement qui sont utilisées. Anne-Gali, pour compléter peut-être ce que vient de dire Alain Fischer. Oui, je voulais dire aussi qu'on est rarement spécifique en thérapie génique, sauf quand on fait de la thérapie génique ex vivo, c'est-à-dire qu'on prend les cellules du patient, qu'on les purifie au laboratoire et qu'on les corrige. Mais dans Avant de les réinjecter. Avant de les réinjecter, voilà. Par contre, quand on injecte un vecteur de thérapie génique, on est rarement spécifique. Un vecteur, je précise juste que ce sont justement ces virus dont vient de parler Alain Fischer. Voilà. C'est sur ces petites capsides qui permettent d'intégrer le génome corrigé, soigné à l'intérieur du génome Donc on est rarement spécifique parce qu'on veut, par exemple, quand on veut justement en particulier livrer le gène thérapeutique dans l'ensemble du corps, comme pour les myopathies. Alors on utilise toutes sortes de techniques en fait qui sont en fait de la vectorologie pour justement réguler l'expression du gène avec des promoteurs spécifiques, avec des tas de systèmes de régulation d'expression. On peut également travailler sur l'adressage de ces particules en utilisant une capside ou bien une autre ou une glycoprotéine ou une autre. Donc voilà, on a des façons en fait de travailler sur le vecteur, sur l'outil de livraison en fait de ce cargo thérapeutique pour le rendre de plus en plus spécifique. Mais c'est pas facile. C'est ça. Peut-être qu'on peut préciser que justement cette notion de vecteur, comme le disait Alain Fischer tout à l'heure, c'est l'un des grands domaines de recherche, que c'est très compliqué, que effectivement ce sont on retire évidemment ce sont des capsules, c'est-à-dire que ces virus-là ils ne sont plus virulents, mais néanmoins tout ça, par exemple les adénovirus au début, ça a pu poser un certain nombre de problèmes pour mesurer la dose exacte avant de retomber dans un niveau de toxicité. Oui, alors ça vous faites allusion à une situation ancienne où un type de vecteur qui n'est plus guère utilisé sauf dans façon un peu particulière pour traiter certains cancers, s'est avéré toxique parce que la quantité de particules virales administrées était trop élevée à déclencher une réponse inflammatoire très très sévère. Ça, c'était des données des États-Unis, la fin des années 90. On n'est plus dans cette discussion-là. Néanmoins, on est dans la discussion, comme l'a très bien dit Anne-Galli, du ciblage, de la quantité de particules virales modifiées qu'il faut pour avoir un effet suffisant, ce qui implique de connaître très très bien les mécanismes de la maladie. Donc c'est une double recherche sur le malade et sa maladie et les systèmes pour corriger sa maladie. Alors évidemment on parle de thérapie génique, on a beaucoup parlé, la presse généraliste s'est beaucoup emparée d'une grande révolution dans l'édition génomique, celle de l'outil CRISPR et notamment de CRISPR-Cas9. Aujourd'hui, est-ce que la thérapie génique a profité de cet outil qualifié de révolutionnaire pour aller bien permettre d'éditer directement le génome des cellules malades, Alain Fischer? Alors, si la question est-ce que des malades à ce jour en ont bénéficié, la réponse est non, pas encore. C'est un outil de recherche qui est utilisé dans tous les laboratoires du monde dans un but cognitif. Et c'est un outil, donc ces ciseaux moléculaires qui permettent de couper très précisément l'ADN. Et donc, éventuellement, à partir de là, on peut faire deux choses intéressantes en médecine. C'est soit remplacer un gène muté ou un morceau de gène muté par une copie normale. Donc cette fois-ci, c'est mieux que les systèmes précédents puisqu'on restaure une situation tout à fait normale. Soit, ça peut paraître étonnant, mais c'est inactiver un gène anormal ou un gène dont on ne veut plus qu'il s'exprime de telle manière qu'on ait un bénéfice pour les patients. Cette seconde stratégie est un peu plus facile ou un peu moins difficile à mettre en œuvre. Et la première est très très difficile, surtout dans des cellules qui ne se divisent pas beaucoup. Enfin, je ne vais pas entrer dans trop de détails techniques. Il y a énormément de recherches en cours. Il y a quelques essais cliniques en cours. On ne peut pas dire aujourd'hui que les données, il faut être très très prudent, il n'y a aucune donnée publiée d'ailleurs à ce jour, permettent de conclure à une efficacité. C'est une voie de recherche extrêmement intéressante, une étape nouvelle de la thérapie génique, mais qui sans doute prendra un bon paquet d'années avant de donner des résultats substantiels. Anne-Galli. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter. Effectivement, on a quelques présentations dans les congrès d'approches précliniques qui montrent que ça peut marcher, mais qui démontrent également que c'est compliqué. Il faut utiliser de toute façon les mêmes systèmes de délivrance que ce qu'on utilise pour un gène, pour un transfert de gène. Donc, c'est-à-dire avec des vecteurs viraux. Voilà. Donc, on fait en général des combinaisons de protéines, d'ARN et de vecteurs viraux. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, ça ne résout pas tous les problèmes de délivrance de toute façon de ce produit aux cellules. Et on a des interrogations également sur la spécificité génomique de ces outils. Vont-ils couper juste à l'endroit où on veut ou est-ce qu'ils vont en fait un petit peu taillader par-ci par-là ? Ce qu'on appelle le off-target, qui est un vrai problème dont on a parlé ici. Exactement. Et est-ce que, quand on garde ces enzymes qui sont donc des nucléases, la Cas9 est une nucléase, donc qui est là pour couper, guidée par son ARN, CRISPR, est-ce que, on la laisse un petit peu trop longtemps dans les cellules, elle ne va pas avoir aussi des effets pour transloquer des morceaux de chromosomes ? Tout ça amène également et appelle un peu du patchwork à développer aussi des techniques analytiques totalement nouvelles pour vraiment mesurer correctement dans le génome ce qu'il se passe quand on le modifie. Un des problèmes, d'ailleurs, tant de la thérapie génique classique que de la nouvelle éventuelle fondée sur les ciseaux moléculaires, c'est le fait que l'organisme de la personne traitée peut réagir à l'injection de ces vecteurs, ce qu'on appelle la réponse immunitaire, tout simplement, les anticorps ou à travers des cellules, et de ce fait neutraliser l'effet. Pas forcément induire une maladie, mais rendre le traitement inefficace. C'est particulièrement difficile à combattre, même s'il y a quelques débuts de solutions lorsqu'on utilise les vecteurs AAV, parce que nous sommes tous à des degrés divers pré-immunisés à l'égard de ces virus qui sont présents partout et avec lesquels on a été infecté sans le savoir. Donc ça rend plus difficile leur utilisation. Quelles sont aujourd'hui les principales limites que rencontre encore la recherche en thérapie génique? Il y en a, je pense, un certain nombre. Peut-être que vous pouvez dire aujourd'hui les difficultés que rencontre la recherche actuelle, Alain Fischer. Oui, je pense que Anne pourra compléter largement. Il y en a un certain nombre, malheureusement. Je dirais la première, c'est de connaître très très finement le mécanisme des maladies que l'on cherche à traiter. Donc ça, c'est indépendance de la thérapie génique. Mais si on n'a pas cette connaissance de base, c'est pas la peine. Deux, il faut être capable de cibler les cellules que l'on cherche à traiter. Ça veut dire qu'il faut les cibler et les connaître. Si vous pensez à une maladie du cerveau, si vous voulez cibler des neurones, c'est évidemment plus difficile que des cellules du sang, par exemple. Excusez-moi. Alors ensuite, il faut être capable de produire en quantité suffisante, et parfois il faut de grandes quantités, de vecteurs. Il faut être capable de réguler l'expression du gène au bon niveau, ni trop ni trop peu. Éviter les réponses immunitaires. Bon, voilà déjà quelques-uns des obstacles qui sont plus ou moins résolus en fonction des pathologies que l'on cherche à traiter. Anne-Gali. Savoir quand traiter également est un problème. On s'en rend compte souvent que plus on traite tôt, mieux les effets de la thérapie génique sont évidents. C'est également aussi donc pouvoir produire assez de produits de thérapie génique et de façon assez robuste. On a une limitation énorme en production, par exemple, de ces vecteurs adéno-associés pour traiter en particulier les maladies neuromusculaires. Il nous faut des quantités de l'ordre donc de 100 000 milliards de particules par kilo au jour d'aujourd'hui pour avoir un effet visible. Donc ça pose vraiment des problèmes de production, de bioproduction. À l'échelle industrielle, entre autres. À l'échelle industrielle, voilà. Donc ça, c'est un des problèmes. Et donc, du coup, évidemment, la dose étant tellement élevée que, voilà, on a aussi des problèmes de réponse immune liés à ces particules. On ne sait pas aujourd'hui comment redoser. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a injecté ces particules à un patient, on l'a immunisé. On ne peut pas revenir aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, avec la même particule qui porte le même sérotype, puisqu'elle sera inhibée. Et voilà. Donc, on travaille sur des méthodes pour pouvoir contourner les réponses immunitaires, éviter d'immuniser, utiliser différents sérotypes. Enfin, voilà, il y a plein de recherches autour des réponses immunes en thérapie génique. Et dans quelques instants, nous allons voir concrètement comment se passe dans un laboratoire la recherche en thérapie génique. Et puis, on va parler de ces médicaments, des maladies rares, mais aussi des avancées assez spectaculaires, il faut bien l'avouer, qui ont pu être faites dans la recherche, dans la lutte contre le cancer. Dr. Robert des Beatles à 0h32 sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de thérapie génique au lendemain du week-end de Téléthon. Nous en parlons avec Anne-Gali qui est directrice de recherche académique à Généthon et directrice de l'accélérateur de recherche technologique en thérapie génomique qui sont donc deux postes INSERM et avec Alain Fischer qui est médecin à l'hôpital Necker, professeur au Collège de France et chercheur à l'Institut Imagine. Alors pour bien comprendre comment se passe concrètement cette recherche et le développement surtout de nouveaux médicaments en thérapie génique. Vous avez enfilé la blouse, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et vous êtes rendu chez GenSight Biologics. Oui, j'ai rencontré Bernard Gilly, qui est le cofondateur de GenSight Biologics, une entreprise qui se dédie à la recherche et à la mise au point de nouvelles thérapies géniques pour des maladies rares de l'œil et du système nerveux central. Les équipes de GenSight ont récemment mis au point une thérapie génique permettant de soigner la neuropathie de Leber, une maladie rare qui affecte la rétine et provoque la cécité. Bernard Gilly nous explique les choix qui ont été faits pour la mise au point de cette thérapie, son fonctionnement et les prix envisagés pour le recours à ce type de thérapie. On cible en fait les maladies de dégénérescence des neurones de la rétine. La rétine est un petit organe qui est au fond de notre œil et qui est responsable de d'abord la transformation de l'information visuelle en un courant électrique. Ce sont des neurones qu'on appelle les photorécepteurs et on en a à peu près 100 millions. Et ensuite, de transférer ce signal vers notre cerveau, dans notre cortex visuel, là où vraiment l'image va se former. Et ça, c'est le rôle d'une autre couche de cellules de la rétine qui s'appelle les cellules ganglionnaires de la rétine. Et quand une de ces deux couches de cellules dégénère, eh bien, tôt ou tard, malheureusement, les personnes qui en souffrent vont perdre la vue. Alors, bien sûr, on connaît très bien la dégénérescence maculaire liée à l'âge, dont beaucoup de Français, malheureusement, souffrent, de la DMLA, qui est une maladie qui résulte de la perte des photorécepteurs. Mais il y a d'autres pathologies également qui sont liées à la perte des cellules ganglionnaires, et en particulier une pathologie qui est dramatique, qu'on appelle la neuropathie optique de Leber, qui, elle, se produit chez des individus plutôt jeunes, entre 15 et 35 ans, et qui induit une perte de la vision extraordinairement rapide. On parle de quelques jours à quelques semaines dans les deux yeux, et qui est malheureusement irréversible. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait rien à faire pour traiter ces patients. Alors c'est là que vous intervenez, vous avez mis en place des protocoles de thérapie génique pour traiter cette pathologie-là. Quel type de protocole vous avez développé et pourquoi avoir fait ce choix-là de méthodologie, on va dire? Alors, cette maladie de Leber, c'est une maladie qui est une maladie liée à un déficit dans les mitochondries. Pour les auditeurs, les mitochondries sont un petit organelle qui est dans toutes les cellules, et en particulier dans les neurones, et qui est responsable de la fourniture de l'énergie, pour faire court. Et il y a quelques gènes qui sont dans cette mitochondrie. Qui sont pas dans le noyau de la cellule, mais qui sont dans cette mitochondrie. Donc, quand un de ces gènes est dysfonctionnel, eh bien, la mitochondrie est dysfonctionnelle et la cellule ne dispose pas assez d'énergie et peut, dans certains cas, comme la neuropathie de Leber, dégénérer. Et ces maladies mitochondriennes, c'est très compliqué d'aller insérer un gène dans les mitochondries. Donc, nous, on a développé une approche de thérapie génique qui est très particulière, où on va non pas aller mettre le gène en question là où il faut dans la mitochondrie, mais on le met dans le noyau de la cellule, et évidemment, pour qu'ensuite la protéine aille dans la mitochondrie, eh bien, on a développé un système qu'on appelle Mitochondrial Targeting Sequence, qui sont des petits oligonucléotides qui nous permettent de transporter l'ARN messager, qui est produit dans le noyau, vers la mitochondrie, à la surface de la mitochondrie, et là, il est traduit dans protéine, et cette protéine est activement, c'est l'autre petit oligonucléotide qui permet cette translocation à l'intérieur de la mitochondrie, là où la protéine va être active. Alors, en faisant ça, on rétablit effectivement un cycle extrêmement vertueux, parce que comme on est dans le noyau, et que les neurones ne disparaissent pas, eh bien, on va produire vraisemblablement cette protéine pendant des années. Alors, combien de temps, on ne sait pas, on n'a pas assez de recul, mais on sait, par exemple, que sur certains de nos patients qui ont été traités maintenant il y a plus de 4 ans, on a toujours l'effet. Alors, on peut imaginer qu'une fois que c'est 4 ans, peut-être que ça va être encore plus long, mais ça, on ne pourra le dire que dans quelques années. Alors, quand on parle de thérapie génique, on parle de vecteur aussi. Quel type de vecteur vous avez choisi d'avoir recours? C'est très important. Le vecteur est très important et nous, on a choisi un vecteur qui est un petit virus qui s'appelle Adeno-Associated Virus. Par contre, il est très, très agile à transférer le gène dans le noyau, le gène d'intérêt dans le noyau des cellules. Et puis pour l'œil, c'était assez simple parce que l'œil est un tout petit organe avec un nombre de cellules cibles relativement limité. Vous savez, 100 millions de photorécepteurs. Les cellules ganglionnaires, c'est beaucoup moins, c'est même 1 million de cellules. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir des très grosses doses. Et avec des doses relativement faibles, on est capable de transfecter 30-40% de ces cellules. Et c'est vraiment très bien. Donc, on a choisi le l'AAV de type 2, qui est non seulement d'abord disponible, il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle sur l'AAV2, mais en plus, il est très facile à produire. Et un des gros enjeux de la thérapie génique, c'est la production de lots de qualité clinique ou de qualité pharmaceutique et surtout à des doses suffisantes. Alors nous, on a traité dans nos différentes études, on a fait 4 études. Une étude, bien entendu, de phase 1-2 pour tester la sécurité du traitement dans laquelle il y avait une quinzaine de patients. Et puis ensuite, on a fait 3 études de ce qu'on appelle des phases pivot. 2 études qui ont été faites de façon unilatérale. On injectait un seul œil. Et on regardait l'effet à 1 an, puis à 2 ans. Et là, il y a eu à peu près 75 patients qui ont été traités. Et puis une 3e étude qu'on appelle Reflect, dans laquelle 97 patients ont été traités. Alors, une toute dernière question en lien avec le coût de cette thérapie. Est-ce que vous avez une idée de la fourchette? Je crois que la thérapie génique, c'est souvent un des facteurs bloquants, c'est le coût assez élevé de ce genre de thérapie. Est-ce que vous avez déjà à peu près une idée de combien ça pourrait coûter à une personne de se faire traiter avec cette thérapie génique, sachant que on a quand même un système de santé assez efficient encore pour aider et accompagner les personnes qui ont besoin d'avoir recours à ce genre de thérapie très ciblée? Alors évidemment, c'est une question fondamentale sur laquelle on a aujourd'hui évidemment quelques idées, mais on a surtout des discussions tant aux États-Unis avec des payeurs privés, ce sont des assureurs privés aux États-Unis, que en Europe avec les différents systèmes de sécurité sociale. C'est à peu près admis que le coût de la cécité directe, c'est en gros entre 50 et 60 000 euros par an. Si vous avez 40 ans de cécité à un coût moyen de, mettons, même 50 000, et ça fait très très cher, ça fait 2 millions d'euros. Et donc, nous, on ne va pas avoir ce prix-là. C'est clair, c'est pas du tout ça qu'on vise. Mais oui, probablement, le prix sera entre 500 et 800 000 euros, vraisemblablement. Voilà, reportage donc au cœur d'un laboratoire privé qui développe de la thérapie génique. Beaucoup de choses intéressantes que nous allons commenter, notamment la question du prix dans un instant. Mais d'abord, je voudrais simplement votre réaction générale à ce que vous venez d'entendre, Anne-Gali. Bah, deux choses, c'est pas par rapport au prix, hein. Je voulais simplement réagir par rapport l'exemple qui a été choisi, maladie mitochondriale, qui montre qu'effectivement, toutes les maladies sont pas si faciles que ça à traiter par thérapie génique. Et la deuxième aussi, je voudrais réagir sur le fait que dans certaines maladies, il est très compliqué d'aller vraiment voir comment fonctionne la thérapie génique, comment aller regarder au sein de la rétine, en fait. Et donc, il y a aussi toute une recherche sur les biomarqueurs et toutes ces choses-là, en fait, qui est importante à faire. Sur la question du prix des médicaments, je crois que je vais laisser Alain Fischer s'exprimer parce que je ne suis pas compétente pour le faire. Avant d'arriver au prix, on va en parler, Alain Fischer, juste d'abord une réaction à ce que vous venez d'entendre. Oui, je pense que c'est le domaine des maladies génétiques de l'œil qui provoquent des cécités est un des grands domaines de recherche actuelle de la thérapie génique. Un produit qui est commercialisé pour une de ces maladies avec des résultats qui ont été publiés, qui sont assez convaincants d'améliorations qui ont l'air d'être durables, en tous les cas sur quelques années de la vision. Une chose qui est un avantage dans le domaine de la thérapie génique par rapport à un des problèmes évoqués tout à l'heure qui sont les réponses immunitaires, c'est que l'œil est une forme de sanctuaire apparemment au sein duquel il n'y a pas de réponse immune qui se fasse contre ces fameux virus, en gros. Anne-Gali n'a pas l'air d'être complètement convaincue. Ça dépend de la dose, mais... Oui, mais on y arrive. Alors qu'on n'y serait pas arrivé si c'était un autre organe. Donc c'est un avantage et ça permet donc d'envisager de traiter d'autres maladies. Il y a beaucoup de projets de recherche similaires à celui-là. Donc c'est une voie effectivement très intéressante. Difficulté aussi, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, mais probablement ça revient à ce que tu disais tout à l'heure à propos de l'âge. Il faut traiter les malades le plus tôt possible avant que les cellules à traiter elles-mêmes ne disparaissent. Ouais. Donc il y a une espèce de course contre la montre, mais la course contre la montre, on ne peut la débuter que lorsqu'il y a un produit qui vaille la peine d'être testé. Avant de parler de cette question du prix qui est centrale, peut-être un mot, on peut faire un tour, je ne sais pas qui veut répondre, Anne-Gali ou Alain Fischer, sur aujourd'hui les médicaments qui sont développés, validés, mis sur le marché. Il y en a une petite dizaine en tout. Il y en a 6, effectivement. Il y en a 2 qui ont été retirés en pratique. Historiquement, le premier concerne un déficit immunitaire 2016, qui s'appelle le déficit en adénosine désaminase. Ça, c'est une thérapie génique qui se fait ex vivo, qui concerne les cellules souches de la moelle osseuse. Il y a une thérapie génique pour une maladie de l'œil, qui se fait in vivo, avec les vecteurs adéno associés. Il y a deux types de stratégies de cellules T et des CAR-T qui sont utilisées pour traiter à la fois certaines formes, les formes les plus sévères, évidemment, de leucémie aiguë lymphoblastique, lymphocyte B, certains lymphomes B, maintenant peut-être des myélomes, dans les formes les plus sévères. Donc là, il y a 2 médicaments. Et plus récemment, a été mis sur le marché un médicament pour une maladie neuromusculaire très grave qui s'appelle amyotrophie spinale, qui est encore un vecteur adéno associé, avec des résultats à court terme, en tous les cas 2-3 ans, qui sont assez probants. Et enfin, pour la bêta-thalassémie, on revient à la moelle osseuse, qui est une maladie des globules rouges, pour lequel on peut proposer éventuellement une thérapie génique ex vivo. Donc ces 6 produits existent, mais on sait, compte tenu des résultats déjà publiés scientifiquement, que d'autres produits ne vont pas trop tarder à être mis sur le marché. On peut penser en particulier aux hémophilies, les maladies du saignement, les deux formes d'hémophilie, A et B, et un grand nombre d'autres maladies ensuite. On va en venir à la recherche. Mais alors justement, puisque les deux derniers que vous évoquez, Zolgensma qui est développé par Novartis pour les citer, et Zynteglo qui est développé par Bluebird contre la bêta-thalassémie, le premier étant contre l'amyotrophie spinale, coût estimé à 2 millions d'euros par patient pour Zolgensma, 1,5 million pour Zynteglo, justement, alors là évidemment le coût, c'est évidemment des coûts extrêmement importants. Pourquoi des coûts aussi importants et, alors, c'est un vaste problème. C'est un débat délicat, c'est un vaste sujet, parce que si on continue comme ça, on va dans le mur. C'est tout à fait clair. Il y a une estimation, juste pour vous donner un ordre de grandeur, qu'un institut de recherche de médico-économique américain a fait. Si on se fait, par esprit d'hypothèse, mais qui n'est pas absurde dans quelques années, que si 1% des patients atteints d'une maladie génétique, toute maladie génétique, 1%, seulement 1%, disposaient d'une thérapeutique, disons une thérapie génique pour le coût de 1 million, ça double le budget des médicaments. Le budget des médicaments en France, c'est 30 et quelques milliards d'euros, juste pour donner un ordre de grandeur. Donc on est dans une situation extrêmement délicate. Les industriels qui proposent ces produits au prix indiqué après négociation, enfin je ne vais pas entrer dans trop de détails, ou qui permettent de les abaisser un peu, il y a des rabais plus ou moins connus, mais bon, cela reste très très cher. Ils évoquent le fait qu'il s'agit de thérapeutiques franchement nouvelles, révolutionnaires, ce qui n'est pas faux. Des thérapeutiques qui peut-être permettent de sauver une vie, ou de, si on prend aux maladies de la vision, de voir toute la vie. Là, on aimerait que ça soit juste, mais c'est pas démontré. C'est-à-dire que pour l'instant, les efficacités, sauf cas particulier des déficits unitaires, on a un recul de 20 ans. Pour les autres maladies, ou mieux, on a 5 ans de recul. Donc l'argument du caractère transformant de la thérapeutique peut certainement être pris en compte, qu'il puisse apporter un bénéfice important aux malades, certainement, mais quand même avec des limites. Et après tout, ça peut paraître étonnant ce que je vais dire, mais si vous pensez au traitement d'un malade qui a une septicémie et que vous l'empêchez de mourir avec un traitement antibiotique qui coûte 200 euros, on va pas demain mettre le traitement à 1 million d'euros parce qu'on a sauvé 70 ans ou 80 ans de la vie si c'est un petit bébé, par exemple. Donc cette considération que mettent en avant les industriels, à mon avis, est largement discutable. Et par ailleurs, malheureusement, à ce jour, nous n'arrivons pas, nous, collectivement, nous tous, bien sûr, à avoir une vision transparente et claire de la façon dont le prix d'un médicament est décomposé. Il y a évidemment un coût élevé de la recherche, il y a le coût de la production, même le coût de la distribution, le coût de suivi, et puis après il y a des coûts entre guillemets un tout petit peu moins nobles, le marketing, et puis le bénéfice. Alors il n'est pas évidemment question de dire qu'une entreprise n'a pas le droit de faire un bénéfice, en plus c'est évidemment une motivation pour les investissements. Mais est-ce que ce bénéfice est raisonnable? On n'arrive pas à avoir de chiffres, on ne sait pas. Pour l'instant, tout est complètement confidentiel dans le monde entier, donc c'est pas une situation satisfaisante. Ce que je dis dépasse la thérapie génique, bien en sûr, science. Oui, et la thérapie génique est la pointe émergée extrême de l'iceberg face à ces problèmes. Parce que l'argumentaire classique des laboratoires pharmaceutiques disent le problème, c'est qu'il faut rentabiliser ce médicament sur un temps très court, puisque les molécules finissent par tomber dans le domaine public et devenir potentiellement génériques assez rapidement. Donc enfin, il faut pouvoir... Il y en a quand même pour 20 ans après le brevet. Et par ailleurs, pour les maladies rares, alors ça ne concerne pas le cancer, mais pour les maladies rares, il y a des protections supplémentaires qui sont accordées, qui sont plutôt probablement pas mal d'ailleurs. Mais je pense qu'on est dans une situation qui est vraiment problématique. Il faut revoir cette façon dont les prix sont définis. Ça l'est d'autant plus, si je puis me permettre, Alain Fischer, pour continuer un peu là-dessus, et on en finira après ça, mais que beaucoup de ces médicaments sont d'abord développés en recherche fondamentale par des organismes publics ou des fondations qui se retrouvent plus tard, ensuite, ces molécules dans les mains de laboratoires privés. Comment se fait-il? Je pense par exemple au Zolgensma qui a été développé par le CNRS et le Généthon. Il est vendu à 2 millions d'euros. Un des arguments de l'industrie, mais qui ne s'applique vraiment pas à la thérapie génique, c'est la prise de risque. Alors, dans certains cas, c'est vrai, lorsque les industriels mènent eux-mêmes la recherche. Et donc, dans un certain nombre de cas, ces recherches n'aboutissent pas, donc ça coûte et il n'y a pas de revenu en face. Pour la thérapie génique, il se trouve en tout cas jusqu'à présent que, sans exception, tous les médicaments qui sont sur le marché proviennent de la recherche académique ou aidés par des fondations, ou l'AFM dans le cas du Zolgensma. Donc évidemment, les industriels rachètent d'une certaine façon ces avancées, mais d'abord, à mon sens, au niveau des discussions académiques, ne le rachètent pas à un prix suffisant. Et puis je pense que ceci est un facteur qui doit en soi faire diminuer le prix puisque cela diminue la prise de risque de l'industriel. Donc il faut en tenir compte. Et on pourrait souhaiter, par exemple, que quelque chose qui a été transitoirement en place aux États-Unis et qui est tombé maintenant, malheureusement, c'est qu'il y ait systématiquement dans les accords entre la recherche académique et la recherche et l'industrie privée une clause de prix raisonnable. Anne Galli, à ce propos, sur l'exemple concret du Zolgensma qui a été développé donc par Généton et CNRS. Je voudrais simplement, d'une façon générale, quand même préciser que les médicaments de thérapie génique sont ce qu'on appelle des médicaments de thérapie innovante, des médicaments de thérapie avancée. Ce sont des objets complexes qu'on n'a pas l'habitude de fabriquer. C'est quand même une nouvelle filière pharmaceutique qui est en train de s'inventer, pour lequel, il faut quand même admettre qu'on manque de recul sur les usines de fabrication, sur les filières de distribution, sur toutes ces choses-là. Donc ça me paraît quand même un petit peu normal aussi de prendre en considération la complexité de fabrication et de ces produits. Quand on parle justement des fameuses cellules CAR-T, il faut savoir qu'effectivement, les cellules du patient sont quand même emmenées dans un site de production à distance. Elles sont fabriquées, contrôlées, ça prend des mois, et ensuite elles sont renvoyées au site d'administration. On n'est pas sur un médicament classique. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre en considération. Et je plaide quand même aussi pour qu'il y ait une analyse scientifique approfondie du coût réel des maladies. On a souvent très peu d'informations sur le coût économique d'une maladie quand on connaît son évolution naturelle. Et donc, une approche de thérapie génique qui, par un seul traitement, peut permettre quand même d'avoir un bénéfice sur toute la personne. Ça mériterait d'être chiffré précisément. Effectivement, dans certains cas, c'est peu, mais dans d'autres cas, je pense que l'impact, il est énorme. Donc, je crois qu'il faudrait avoir effectivement ces chiffres-là et au jour d'aujourd'hui, on les a rarement. Mmh. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette question du coût. De là, justifier un coût de 2 millions d'euros par patient ? Non. Voilà, non. C'est le cri du cœur d'Alain Fischer. Alors, puisque vous évoquez, on ne va pas passer plus de temps sur cette question, c'est une question qui mériterait peut-être d'être traitée en tant que telle et pas d'ailleurs uniquement pour la thérapie génique, puisque ces problèmes de coût des développements des médicaments, ça a été évoqué au cours de cette émission, ça n'est pas que dans ce domaine-là, c'est dans le domaine de la recherche de pointe en pharmacologie à plusieurs autres endroits. Parlons justement peut-être un peu de l'extension de ces thérapies géniques des maladies rares aux maladies plus communes, et vous évoquer, Anne Galli, les cellules CAR-T aujourd'hui. Où en est-on justement de l'application de la thérapie génique dans la lutte contre le cancer ? On a justement cet exemple magnifique qui sont cette plateforme technologique en fait qui permet de traiter une maladie qui est par nature multifactorielle, complexe, qui est le cancer. Et on peut donc rediriger, comme l'a expliqué Alain Fischer très bien tout à l'heure, des cellules des lymphocytes qui sont des cellules tueuses. On peut les armer pour les rediriger vers des cellules cancéreuses et les faire tuer. Comment ça marche ? Expliquez-nous en quelques mots. Alors, les cellules CAR-T et à quel type de cancer est-ce que ça peut s'appliquer ? Donc les CAR-T sont des lymphocytes T qui sont en fait des globules blancs, un certain type de globules blancs en fait qui font les réponses immunitaires cellulaires et qui sont capables donc d'avoir des réponses cytotoxiques, c'est-à-dire aller reconnaître leur cible et de libérer des petits granules d'enzymes qui vont donc tuer les cellules cibles. Donc aujourd'hui, on les équipe, elles sont en fait paralysées souvent par le cancer, elles ne peuvent pas vraiment circuler, reconnaître et aller tuer leurs cellules cibles. Donc on les a équipées d'un récepteur en fait, d'un anticorps qui est couplé avec un système d'activation et qui leur permet de reconnaître les cellules cibles et de les tuer. Donc ça s'applique très bien aujourd'hui pour certains types de leucémie, les leucémies B ou certains types de lymphomes. Et les résultats sont encourageants pour d'autres types de cancers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'applique beaucoup pour les tumeurs hématologiques, peu pour encore les tumeurs solides. Les tumeurs liquides, oui. Ouais, les tumeurs liquides, voilà. On a beaucoup d'espoir quand même que ça puisse effectivement se développer autrement. Donc du coup, ça ouvre la porte aussi à beaucoup d'autres approches d'immunothérapie. On peut modifier géniquement des cellules naturelles. Killer, on peut modifier d'autres types de cellules. Du système immunitaire, effectivement, de façon génétique pour leur permettre d'aller faire des choses, de les rendre super, plus puissantes qu'elles ne le sont naturellement. Donc ça, c'est un élément intéressant. Alain Fischer. Oui, je pense un enjeu important, mais difficile, c'est de faire que ce qui marche dans une certaine mesure pour les cellules sanguines, lorsque la cellule tumorale est un lymphocyte B, parce qu'en fait, ces cellules, les lymphocytes T-CAR, on les modifie de telle manière qu'ils tuent les lymphocytes B sans savoir s'ils sont cancéreux ou pas. Mais de façon pratique, ça marche et c'est pas très grave de ne pas avoir lymphocyte B. On peut compenser ce manque par des immunoglobulines. Mais par contre, imaginez que vous vouliez traiter, un cancer épithélial du poumon. si vous détruisez toutes les cellules épithéliales du poumon, ça va pas. Bon. Non. Donc il faut arriver à cibler sur la cellule tumorale sans tuer les cellules normales. Il y a énormément de recherches en cours. Il y a quelques domaines ou certaines formes de tumeurs cérébrales en particulier où il y a des pistes, mais c'est un enjeu majeur. Est-ce qu'on va être capable d'y arriver d'une façon avec un niveau de sélectivité suffisant pour permettre ces applications? On verra. Est-ce que je peux en profiter pour faire un peu de publicité? Je vous en prie, soyez bienvenue. Le 13 et 14 mai prochain, c'est pas tout de suite, il y aura un colloque au Collège de France qui va avoir lieu pendant 2 jours, qui est ouvert à tout le public, sur besoin de s'inscrire, sur le sujet de l'immunothérapie des cancers, et donc notamment le sujet des CAR T-cells sera traité avec les meilleurs spécialistes mondiaux, mais de manière accessible à tout le monde. D'accord, bah, on ne manquera pas de vous en reparler, de mettre un petit mot à nos auditeurs via notre fil Facebook ou via le site internet, oui, Angeli. Je disais que tout à l'heure, pendant les médicaments thérapeutiques, on a oublié de parler des virus oncolytiques. Il y a quand même un virus oncolytique qui a été développé pour le mélanome. Et ça, c'est une piste voilà, qui est explorée actuellement dans le traitement de certains cancers catastrophiques, comme le gliome, par exemple, et des choses très, très compliquées à traiter, où on peut profiter... Des cancers du cerveau, donc. Oui, voilà. Mmh. Et on peut profiter du tropisme de certains virus pour certains tumeurs. Et donc en fait on les arme également avec des cytokines et on les envoie c'est quand même des approches effectivement un petit peu complexe, oui. Mais Alain Fischer, oui. Pardon pour rebondir encore un tout petit peu, mais pour bien situer le problème sur l'histoire des prix, les fameuses CAR T sont vendues environ 400 000 euros, à peu près. Enfin, c'est le prix officiel affiché. C'est très très cher. Il faut savoir qu'il y a quelques hôpitaux qui font leur propre CAR T, et dans ce cas-là, dans le monde, et que le prix qui est réclamé aux assurances du malade, c'est de l'ordre de 10 à 20 000 dollars, juste pour vous donner un ordre de grandeur entre des prix sans aucun bénéfice. Évidemment, c'est pas celui-là que l'on peut attendre d'un industriel, mais entre 10, 20 000 et 400 000, Il y a une marge de manœuvre, effectivement. Peut-être un tout petit mot, puisque je l'avais évoqué au début, et que c'est vrai que c'était le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. On évoque aussi la thérapie génique dans la lutte contre le VIH, Angeli. Il y a plusieurs approches qui sont en cours, effectivement. Il y a des approches qui s'adressent à une niche de patients, des patients qui ont le sida et qui en même temps développent... Sont au stade sida. Oui, au stade sida, par exemple, et qui développent, par exemple, des tumeurs pour lesquelles ils ont besoin d'avoir une greffe de moelle. Donc, il y a ces fameux patients de Berlin qui a été traité, en fait, avec un greffon qui était déficient en une des molécules qui est le récepteur pour le sida. On va rappeler en un mot que le patient de Berlin, c'est l'un des seuls deux cas de quelqu'un qui a pu être, effectivement, soigné complètement, mais parce qu'il a subi une greffe complète de moelle osseuse, qui fait que d'un seul coup, il a pu se débarrasser du VIH. Et avec mais des c'est cellules un cas qui étaient résistantes, effectivement, à l'infection au VIH. C'est ça. Donc, il y a des approches de thérapie génique qui visent à essayer de reproduire cela par élimination de ces récepteurs, qui est CCR5, à la surface des cellules greffées. Bon, c'est une approche. CCR5, c'est le récepteur du VIH. Voilà. C'est une approche, mais qui est très minoritaire parce qu'elle concerne très peu de personnes. Il y a quelques approches de vaccination et il y a un essai clinique que je trouve assez remarquable et intéressant qui vient de commencer, qui consiste à injecter un de ces vecteurs adéno-associés dans le muscle pour faire produire des anticorps neutralisant à spectre large, pour essayer de bloquer en fait le virus et sa réplication et potentiellement peut-être la surinfection des patients. Donc voilà, il y a quelques approches comme ça, c'est effectivement très intéressant. La dernière est intéressante et en même temps montre le paradoxe puisque là on cherche à gérer une réponse immunitaire que tout à l'heure on voulait éviter. Vous voyez un tout petit peu les difficultés d'orientation de ces recherches. Et vous disiez peut-être aussi un mot pour conclure, Alain Fischer, sur des maladies hématologiques et notamment vous parliez des hémophilies A et B, là aussi des pistes de recherche très intéressantes et qui sont sur le point d'aboutir. Oui, il y a plusieurs essais cliniques dits de phase 3 qui sont en train de se terminer. Il y a déjà des données publiées qui sont encourageantes, qui montrent que des patients pendant plusieurs années ont une quantité suffisante de facteurs de coagulation grâce à une thérapie génique. Donc probablement des médicaments vont émerger assez vite et à nouveau la question du prix va malheureusement se poser. Eh bien, on surveillera ça de près, y compris sur la question du prix des médicaments. Pourquoi pas une émission bientôt entièrement consacrée à cette épineuse question. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Angeli, merci Alain Fischer d'être venu nous parler des thérapies géniques. Un mot pour vous dire que mardi prochain, eh bien, ce sera le premier forum France Culture dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne de l'année. Ce sera un forum spécial Les Idées Claires. Vous savez, Les Idées Claires, c'est ce programme, ce podcast et cette vidéo que j'ai la chance de produire chaque semaine, tous les mercredis, qui répond aux déformations de l'information. l'information, eh bien, ce sera le thème « Comment rendre les éclairs » mardi prochain, toute la journée. J'aurai le plaisir d'animer deux rencontres dans la matinée, dont une rencontre interactive avec des lycéens. Et puis, il sera aussi question de santé, de philosophie. Il y aura un débat présenté par Emmanuel Laurentin, ainsi qu'une question internationale par Florian Delorme. Voilà, le forum Les Idées Claires, c'est à la Sorbonne, mardi 17 décembre. C'est gratuit, mais comme d'habitude, il faut vous inscrire sur maisondelaradio.fr. On va vous mettre tout de suite un lien sur le fil Twitter de l'émission et sur la page de La Méthode Scientifique. Merci à toute l'équipe, Eve-Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Niaguet de Saint-Ville-France, Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation et Valentin Bobina à la technique. Demain, nous prendrons du recul, beaucoup de recul, énormément de recul pour s'interroger sur un serpent de mer de l'astrophysique et de la cosmologie. Nous demanderons quelle est la forme de l'univers à 16h jusqu'à preuve du contraire.